Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Journée internationale de l'hommage à Thierry Roland. Vous savez, il nous a quitté ce week-end. Et donc forcément, bah, Pierre a décidé de rendre hommage à Thierry Roland comme il le se doit. Thierry Roland, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'était un célèbre commentateur sportif sur TF1 et puis sur M6 récemment. Enfin récemment, depuis quelques années. Et donc voilà, il est mort à 74 ans. Et bah, hommage à Thierry Roland ce matin, donc c'est avec Pierre, c'est parti. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes au courant du décès de Thierry Roland? Oui. Eh bien voilà, je me présente, je travaille pour la Fédération Française de Football et on a décidé en fait de lui rendre hommage avec des passionnés comme vous de football. Vous aimez bien le football, on est d'accord? Écoutez, on est, oui, effectivement, une association de football, oui. Voilà, et de commenter un dernier match, une dernière action avec moi en tant que Jean-Michel Larquet et vous en tant que Thierry Roland. Non mais là, je vais pas avoir le temps, je prépare une assemblée générale, donc je vais pas avoir... Non mais bien sûr, mais écoutez, ça prend même pas une minute, hein. Attention. Ouais, même si c'est une minute, je pourrais pas le faire. Mais si, allez, faites-le pour Thierry. Coup de sifflet, c'est parti. Et mon cher Thierry, c'est un beau match de l'équipe de France qui se prononce et qui se prépare avec interception de Gomez qui a la balle. Il a la balle, effectivement, hein, Jean-Michel, c'est très bien. Bah, il va marquer, comme d'habitude. Tout à fait, mon cher Thierry, et il y a du jeu ce soir, hein. Il y a du jeu. Voilà, c'est tout à fait ça, mon cher Jean-Michel. Et au passage, mon cher Thierry, est-ce que vous connaissez la meilleure? Eh ben non, la meilleure, je la connais pas encore. Vous allez me la dire. La différence entre un tir au but et sa femme. Eh ben c'est pareil, pour marquer, il faut mettre la balle bien au fond du filet. Voilà, c'est très bien. Et là, alors là, on coupe, on fera un montage. Essayez juste de faire le rire de Thierry qui était très aigu. C'est comme ça, non? C'est parfait. Alors maintenant, avant de se laisser, on dit que la France est championne d'Europe. D'accord. Alors attention, coup de sifflet final. Eh oui, mon cher Thierry, l'équipe de France a gagné. Elle est championne d'Europe. Oui, oui, oui, mon cher Jean-Michel, l'équipe de France a gagné l'Euro. Ouais, formidable. Les Français nous auront toujours étonnés. Eh oui, et j'en pleure, mon cher Thierry. Heureusement, Jean-Michel, mon cher Jean-Michel, tu étais encore avec moi. Que d'émotion, ce sport. Allez, au revoir, mon Thierry. C'est énorme. Oh, le mec il est à fond. C'est énorme. Le mec il est à fond. C'est beau. Pour quelqu'un qui n'avait pas le temps. Ah oui, il l'a quand même bien pris. Ah ouais, ouais, ouais, oh, c'est là, clair. Là, là, là. Il fait bien le rire en plus. Ah ouais. C'est vrai qu'il avait un rire, c'était voilà. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, dans Mickaël à la radio. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien. Avec Julie, la plus perdante de toutes. Mais oui, la plus perdante de toutes. Et oui, Julie, c'est un petit peu... C'est un petit peu la météo actuelle, c'est un petit peu ça, son image. Eh oui. Quoi, mais c'est... Elle se liquéfie. Non, c'est l'orage, la méchanceté, tu vois, l'agressivité, les éclairs... N'importe quoi. C'est ça, j'ai bien raison. Mais évidemment. On est d'accord. Voilà, donc on va faire le ni oui ni non, ni vous verrez bien maintenant. Le but, arriver à discuter avec Julie pendant une minute, sans dire oui, sans dire non, et sans dire le mot en plus, évidemment. On va dire ça dans quelques instants. C'est Dilal qui est avec nous. Salut Dilal. Salut. Comment ça va? Bon, ouais, ça va, ouais, t'es à Laeken toi, donc t'es pas très très loin de la radio. Comment ça se passe à Laeken justement en termes de météo? Non, il pleut trop. Ah oui, il pleut trop, et ça se passe bien, non, il pleut trop. Ouais. Voilà, donc je tiens à vous rappeler que ce matin le soleil s'est levé à 5h28 et s'est couché à 6h37. Ouais, il était fatigué, il s'est dit bon. Je me recouche. Bon, alors salut, j'habite à côté de chez vous et j'assiste à tout l'orage comme vous en même temps. Bah ouais, ah, bah voilà. Écoute, tant mieux, hein. Profites-en bien. Bon, Dilal, alors toi t'as examen de science tout à l'heure? Oui. Ça va bien se passer ou pas? Ben ouais, j'ai trop étudié samedi. T'as trop étudié? Waouh, très bon, bien. Très bien. C'est bien, Dilal. Bon, on va jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Il faut discuter avec Julie pendant une minute. Il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire de, D-E. D'accord? Okay, d'accord. Il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, il ne faut pas dire de dans tes phrases, D-E. D'accord? Donc tu vois, je viens de me lever, bah si tu dis ça, t'as perdu par exemple. D'accord, Dilal? Ok. Elle n'a pas l'air gagnée, ça aïe, fait. Aïe. Hein. Allez, on va faire bon, ça. Je crois que je vais miser sur Julie, hein, pour la première fois de ma vie. Mais bon, Dilal. Ouais, sur moi, non? Ben, je sais pas, t'as pas l'air d'avoir bien compris la règle du jeu, si? Oui, je dois la faire dire oui ni non. Et moi, je ne dois pas dire Winnie. Non, mais tu vois, t'as rien compris. Donc, je recommence. Mais c'est moi aussi, en Dilal. Fait. Dilal. Oui. Donc, il ne faut ni Julie, ni toi que vous prononciez le mot oui, le mot non ou le mot de. Le premier qui le prononce a perdu. C'est pour mais bon, deux, s'il arrive à lui faire dire, bah. Ah, il faut que t'arrives à lui faire dire sans le dire, évidemment. D'accord ? Ok. Allez, Dilal, c'est parti, on y va. Une minute, bonne chance. Dilal ? Salut. Salut, comment vas-tu ? Je vais très bien. C'est quand les vacances ? Les vacances commencent début juin, juillet. Franchement, ça commence fin juin. Ça tombe très haut. Attends, tu peux bouge un petit peu là parce qu'on capte pas, on te capte pas très bien. Dilal, bouge un peu ton téléphone, on te capte pas bien. Ok, c'est voilà. Attends, c'est bon là ? Ouais, vas-y. Ok. Donc les vacances, c'est fin juin ? Oui, c'est fin juin. Oui, c'est ça. Eh ben voilà. Bravo Julie. Eh ben voilà. Désolé, bravo mon petit chou. Eh ben si ton examen de science est pareil, on n'est pas dans la merde. Oh, il a été perturbé le C'est coup. Vrai, c'est vrai, mais bon. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Et vendredi, c'était le prime de Secret Story, évidemment, bien entendu. Et qui a vu partir un nouveau débile. Et c'est Alex qui a été éliminé face à Capucine, sa grande copine, ou bien plus. Et face à Thomas et Nadège, les faux frères et sœurs de l'aventure. Et le secret d'Alex était le même que celui de Johan et Capucine. Notre ex est dans la maison. Alex qui part donc avec la plus grande cagnotte de l'histoire, c'est-à-dire 300 euros. Ah, voilà. Et oui, la grande la classe. De toute façon, il perd hein, quand ils sortent comme ça. Il avait quand même 300 euros. Ouais, mais en fait, vous savez qu'une fois qu'ils sont sortis, ils sont encore à disposition de la prod et donc ils touchent genre un truc. Ouais, genre 350 euros par semaine. Ah, bon, ça va. En fait, sympa. Quand ils sont dans la maison, ils touchent 500 euros par semaine. Ah, voilà, l'orage. Donc, ça, c'est l'orage qui est au-dessus de la radio. Oh hein, là là. Ça, vous êtes au courant, hein, cas où vous l'aviez entendu. Et quand ils sont dehors, 300 euros. Voilà. Jusqu'à la fin de l'émission. Et si vous êtes dehors, vous l'avez entendu aussi, l'orage. Non, même plus, même après l'émission, encore, ils touchent un peu. Ils sont à disposition de la prod pour faire des photos et des D'accord, bon bah c'est bien. Bon, et sinon il se passe un truc entre Nadège et Thomas là, sauf que ils ont comme mission de se faire passer pour des frères et sœurs, et comme je le disais juste avant, hein. Ouais, pardon. Moi je me suis mis dans mon lit histoire de me détendre un peu, commence à me toucher la jambe et tout, mais attends, c'est ma sœur. Bah oui, c'est ma sœur. Elle attaque son faux frère. Ah bah elle attaque, hein, qu'est-ce que tu veux, elle s'en fout, elle, y a pas de malaise. Mais elle, j'ai appris qu'elle était mariée. Ah oui ? Ouais, bah voilà. Ah, y a pas de malaise quand même. Toi, dis donc. Oui, bien sûr. Je suis au cœur de l'info. Bon, et si on sent bien que ça pose un souci à Thomas, Nadège, elle voit pas ça de la même manière. Hein. Finalement, si on peut pimenter un peu les choses, je ne suis pas contre. Ah bah voilà. Elle est plutôt ouverte. Et maintenant, on va faire un petit blind test avec Emily qui se prend pour une grande chanteuse. Écoutez bien. I'm a Barbie girl. Oui. In a Barbie world. Alors, à quoi, Barbie girl ? Eh oui, bonne réponse. Bravo, de pas mal. Attention, deuxième blind test. Macarena. Macarena, ouais. Eh oui, la Macarena de Los Del Rio. Los Del Rio, bonne réponse de Lob. Putain, quelle culture, Lob. Et enfin. Tal, bonne réponse de Julie. Putain, Tal, je l'aurais jamais trouvé. Ah oui, quand même, si, ça va. Oh, j'adore ce genre de blind test. Et ben voilà, c'est le petit blind test de Secret Story. Non, tu appelleras Emily, tu lui demanderas de chanter. Voilà, hein, tu lui demanderas de chanter pour toi. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.